Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Gamecast remasterisé. Ici Sérieux Doka et aujourd'hui, pour cette nouvelle version, j'ai avec moi le futur présentateur de l'émission, Daisuke Angel. Comment tu vas ? Ça va bien et bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez l'émission. Eh bien, pour cette nouvelle version, on va commencer déjà par vous présenter Daisuke Angel, parler des consoles très rapidement sur lesquelles il a joué, les jeux qui puissent toucher. Et ensuite, ce sera lui qui prendra la main pour la prochaine émission et il le fera aussi avec d'autres animateurs de Radio Anime qui sont aussi des gamers. Alors vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, ça ira très très vite. Ils sont tristes dans cette émission. On est très tristes dans cette émission. Et du coup, pour la suite, après, eh bien, il aura le champ libre et il parlera de rétro, de jeux récents, etc., etc., de consoles. Enfin, tout ça, vous le verrez en l'écoutant. Alors, dis-moi, Daisuke, parle-nous un petit peu de ta première console, des consoles qui ton parcours de console vidéoludique. Ah bah c'est parti, on va essayer de faire vite. On va éviter de faire 12 heures. Hein. Oui, voilà. Alors, j'ai commencé bêtement, c'est pas avec la NES, mais avec la Sega Master System. Avec, vite fait, une petite histoire, j'ai dû prendre celle-là parce que y avait un jeu... Mon père m'avait demandé de choisir entre les deux consoles, mais sauf que la Master System avait un jeu intégré dedans, qui était Alex Kidd à l'époque. Donc si j'avais la Master System, j'avais deux jeux, ou la NES, un seul, puisqu'elle avait aucun jeu à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ma vie de jeu de gamer avec la Sega Master System. Donc avec Alex Kidd et comme jeu à côté, le très célèbre et adoré à mes yeux, Wonder Boy 3, Dragon Strap. Alex Kidd était assez connu, c'était un jeu de plateforme très difficile, donc il m'a vraiment appris à jouer. C'est horrible. Et j'ai Wonder mis du temps, je l'ai fini. Hein. J'ai mis le temps, mais voilà. Mais les larmes aux yeux. Et Dragon Strap, un jeu franchement qui m'avait ébloui par sa beauté pour l'époque et par ses musiques. Les musiques, je les ai complètement adorées. Après, vite fait, sur Master System, j'ai fait des jeux comme Spellcaster, Golden Axe Warrior, qui était le Zelda de Sega, très rapidement. Afterburner, un jeu d'avion dont les musiques sont incroyables. Et d'autres jeux, mais comme je dis, j'en reparlerai dans de futures émissions pour ce genre de choses. Après, on va passer à la Mega Drive. Très rapidement, la Mega Drive, deuxième console de Sega, où j'ai eu de grands amours dessus aussi. J'ai eu le Street of Rage premier du nom, que j'ai vraiment adoré pour la musique. Le Street of Rage 2 pour ses scènes d'action, c'était des beat'em all. J'ai eu les Sonic. Un Castlevania que je vénérerai jusqu'à la fin de ma vie aussi à cause des musiques. Les Gunstar Heroes de Treasure. Le Wonder Boy 5 et d'autres jeux. Surtout, il y a eu un très très bon Spider-Man à cette époque, hein, sorti sur cette machine. Très très bien. Après, là, je vais un peu vite, bon, je suis désolé, mais comme je dis, je referai d'autres émissions. Oui, là, en fait, c'est juste un rapide résumé de ton parcours vidéoludique. C'est pour que les gens voient à peu près ce que j'ai aimé, pour voir à peu près les goûts que j'ai, en gros. Sur qui vous allez tomber. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Après la Super NES avait été achetée exprès pour le premier jeu de baston de Dragon Ball Z sorti en France. Oui. C'était la jouabilité, c'est horrible, mais c'est des bons souvenirs quand même. Après on a vu heureusement le deuxième qui s'appelait Legend of Saiyan, si je me souviens bien, qui là par contre est un jeu de toute beauté que beaucoup beaucoup de testeurs et de joueurs à travers le monde vous rappelleront comme quoi c'était un très très bon jeu. Il y avait eu le sympathique et très colorisé jeu de Tortue Ninja, jeu de combat à la Street Fighter aussi, le Tournament Fighter. Après, il y a eu les Super Mario, le Super Mario World, c'était le Super Mario 4, le Mario All-Star qui reprenait les Mario de la Super NES, enfin de la... NES. De la Nintendo Entertainment System, de la NES. Le Zelda 3, le Link to the Past. Oui. Vraiment très très bon jeu, ainsi que d'autres surprises, genre le Batman et Robin de Konami, le Secret of Mana, le jeu de le RPG, qui était vraiment très très bon, très coloré aussi, le grandiose Mega Man X à mes yeux, et le Super Metroid, grand grand jeu d'entre les jeux, qui aura lancé plein de... Enfin, qui aura lancé les... comment on dit déjà, les Castlevania. Oui. Voilà, donc important aussi. Après, on a... Je parlerai pas de la Neo Geo, parce que je l'ai jamais eu, elle coûtait beaucoup trop cher. J'ai joué à des jeux après. C'était la console de riche, ça. C'était la Rolls Royce qu'on appelait ça à l'époque. Donc, j'en parlerai plus tard, mais pas là, parce que je ne l'ai pas eu. Il y a eu la Nintendo 64, avec le Super Mario 64, le Star Fox 64. Mm. C'était mon préféré, avec le Zelda Ocarina of Time et le Mario 64. Franchement, ben, vraiment, bah, allez, je citerai pas beaucoup de jeux sur cette console, je vais être franc, parce que pour moi, il y en a pas eu des tonnes. Déjà à l'époque, les jeux, c'était quand même le début de la 3D. La 64 était très forte dedans, mais quand même, c'était pas super joli, rappelons-le. Ouais. Donc c'est pour ça que j'en ai pas eu 4 tonnes. C'est une des raisons. Après, avec la Sega Saturn, j'ai plutôt évité les jeux 3D, parce que le moteur était pas assez balèze pour ça. Mais j'en ai quand même, hein, genre, pour cette machine, j'ai eu les Panzer Dragon, les deux Panzer Dragon qui étaient des véritables shoot'em up avec des musiques féeriques, et le Panzer Dragon Saga, qui est un RPG, de 4 disques, hein, j'en ai peut-être mis un de trop, mais je crois que c'était 4 disques, avec énormément de cinématiques qui étaient très lourdes pour l'époque, même si maintenant elles sont pas très jolies, mais un jeu que, bon, dont je garde les souvenirs assez balèzes. Le Guardian Heroes sur la Saturn, un autre jeu de Treasure, Beat'em All, un Beat'em All qui pour beaucoup de gens le meilleur jeu de la console. J'ai des bons souvenirs de Alien Trilogy, de Sonic R, même si plein de gens diront le contraire, mais bon, j'expliquerai pourquoi dans une autre émission. Street Fighter Alpha, Resident Evil, oui, je le préfère sur cette machine plutôt que la PlayStation. Le X-Men, Children of the Atom, un jeu de combat à la Street Fighter de Capcom, d'une beauté toujours incroyable, ça ne vieillit pas ce jeu-là. Le Virtua Cop 1 et 2, des jeux de tir avec le pistolet. Franchement, moi, ça me fait triper, ce genre de jeux. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop rares. C'était un rail shooter, non ? Oui, un rail shooter. Mmh. Bah, pour tous les jeux comme ça, de toute façon, je crois que t'as pas trop le choix. Oui. Et le Dragon Ball Z Légende. Oui. Alors celui-là, je me le garde pour plus tard, parce que j'en parlerai un peu plus profondément. Parce qu'il mérite, une petite émission pour lui tout seul. Après, on va partir sur la très célèbre PlayStation 2... Enfin, PlayStation, d'abord, pardon. PlayStation avec un Resident Evil 2 qui aura fait parler de lui et vraiment fait décoller, je pense, la série. Le jeu de rôle RPG, donc, Grandia. Celui-là aussi, excellent. Je me le garde pour plus tard. On en reparlera parce que, de ce que j'ai entendu, il va ressortir à la fin de l'année, donc ce sera une très bonne occasion de le faire. Et le Silent Hill... jeu d'horreur, mais maxi horreur, c'est vrai. Je garderai, j'en parlerai aussi. Le jeu qui provoque des crises cardiaques. Faut que je cours. Voilà. C'est net. Voilà. Celui-là est très très. Des souvenirs. J'ai des souvenirs de ce jeu. Ah, maman. Plus jamais de ma vie j'y jouerai. Et encore, on n'a pas parlé du 2, celui-là j'ai jamais fini parce que je peux pas. On va parler du 2 parce qu'on va partir sur PS2 grâce à ce petit enchaînement. Merci Rio Doka. Incroyable. Voilà, la classe. Donc avec la PS2, j'ai pu faire le Silent Hill 2 et j'en pars avec frémissement parce que celui-là je le finirai jamais. J'ai jamais pu le finir, j'ai explosé. C'est une horreur. C'est impressionnant la pression que t'as constamment dans ce jeu, c'est... Ouais. Avec le l'homme pyramide, là, je peux pas. Au moins, c'est des vrais jeux d'horreur, il n'y a pas que l'ambiance. Bien, attention, il y a vraiment une ambiance derrière, oppressante, mais c'est des jeux d'horreur. Là, il y a des trucs dégueulasses, machin, faire attention à ça, c'est pas que l'ambiance. Sur la PS2, j'avais eu la série Onimusha avec le 1, le 2, le 3, et il y a eu un quatrième qui avait un sous-titre. Il s'appelait pas Onimusha 4, mais je suis navré, j'ai carrément oublié. C'était des jeux avec les caméras fixes à la Resident Evil, où ça se passait dans une époque de samouraï avec de la magie et tout. C'était avec vraiment excellent, un très beau boulot de l'équipe de Capcom, franchement. Avec génial. Un esprit comment il s'appelle, Devil May Cry, un petit peu dans l'esprit combo, etc. Ouais, c'est pas faux. Je me demande si il est pas sorti avant les Devil May Cry, ça se trouve ils ont ça peut-être oui, c'est donner peut-être une continuité tout simplement, ouais, voilà. Au niveau de l'idée, bien sûr. Mais ils ont sorti à cette époque-là pas mal de jeux dans cet esprit-là. Je me rappelle, j'ai perdu le nom, mais il y en avait un que je jouais sur PC qui était exactement dans le même esprit et qui avançait exactement pareil, quoi. Sauf que là, du coup, la caméra n'était pas fixe. Après, il y a eu le très très énormissime pour moi jeu de combat Guilty Gear X avec des musiques métalleuses à mort. Génial, faites-le. Et Jak and Dexter sur PS2, bien sûr, avec à côté les Ratchet & Clank, les Sly Raccoon. Voilà, pour la PS2, on va calmer un peu, on reviendra dessus un jour. La Dreamcast, hein, si tu veux bien. Ah oui. Allons-y, la Dreamcast que plein de gens ont acheté pour le Sonic Adventure. Sonic Adventure, jeu en 3D de Sonic, avec Sonic Adventure 2, il y en a eu un deuxième. Oui. Très joli, très frais, hélas, je dirais qu'il n'y a pas eu assez de jeux comme ça sur la machine. Donc c'est dommage, ils nous ont filé ça, et pourtant la machine n'a pas assez bien marché pour qu'on ait eu d'autres jeux de cette qualité. Il y a eu le Resident Evil Code Veronica, qui est pour moi un des meilleurs Resident Evil au niveau scénario. Les très célèbres et très contestés en ce moment, Shenmue 1 et 2, le Soul Calibur, jeu de combat extrême. Voilà, c'est la suite de Soul Edge, voilà. Je pense que je pourrais t'inviter pour en parler, un de ces quatre, pour une émission extra. Je les ai tous faits. Eh ben voilà, on fera une émission là-dessus, toi et moi. Le RPG Sky of Arcadia, le jeu d'arcade Crazy Taxi, pour l'époque. Attention, j'insiste bien, ne refaites pas les remakes. C'est que je vais parler dessus à vite fait, c'est un Crazy Taxi, c'était un jeu d'arcade où on prenait une personne en tant que taxi, c'est un peu normal pour la déposer à un endroit, mais c'est bourrin, on pouvait foncer dans les bagnoles, ça te freinait pas plus autant, le but c'était de ramener la personne d'un endroit A à un endroit B, le plus rapidement possible, et en lui faisant le plus peur possible, et de l'argent, voilà. Quand tu roules à contresens, tu gagnais de l'argent, etc., du temps, enfin. Et cette version-là, donc la version Dreamcast, était très importante pour, et très importante pour moi parce que la musique n'est plus la même depuis à cause de droits. C'était Offspring, le groupe Offspring, qui faisait les musiques et c'était tellement mieux maintenant alors qu'ils ont mis d'autres groupes, mais c'est quand même vachement moins sympa. Il y a eu les SNK Capcom, le 1 et le 2 en jeu de combat, ainsi que Marvel vs Capcom 1 et 2 en jeu de combat aussi, qui sont vraiment énormes. J'ai fait des soirées de... Des journées dingues avec des potes dessus plutôt que des soirées. vraiment très bon souvenir. Après, on va partir toujours sur les consoles de salon, sur la GameCube, la Nintendo GameCube, la console que l'on peut transporter partout grâce à sa poignée qui ne sert à rien. Puisqu'on laissait toujours chez soi. Voilà. Avec un Luigi's Mansion qui ressortira bientôt sur la 3DS, les Star Wars Rogue Squadron, des jeux de combat de vaisseaux, des combats en vaisseau d'une difficulté très bouleversante, mais d'une beauté assez éblouissante pour la console. Le Soul Calibur 2, le Sky of Arcadia, encore un remake, mais franchement, faites-le, celui-là, il est génialissime. L'incroyable Resident Rebirth, le remake du tout premier, où il y avait eu des rajouts, le visuel avait été refait, j'en reparlerai. Il mérite le Resident Evil 4, évidemment, le Metal Gear Solid Twin Snake, le remake du premier Metal Gear Solid de la PS2, le Super Mario Sunshine, le Mario Kart et le Mario Kart Double Dash, le meilleur des Mario Kart à mes yeux. Sans aucune mesure. Ah, on est d'accord, voilà. Après, le Star Fox Adventure, le Star Fox Assault, le Metroid Prime 1, 2, alors là, cela, je vous dis tout de suite, il y aura une ou deux émissions dessus. Et le Ikaruga Shoot'em Up de Treasure, cultissime à mes yeux, dont je reparlerai sûrement plus tard. Après la GameCube, on part sur la Xbox, la première console de Microsoft, avec évidemment le FPS Halo Combat Evolved aux musiques incroyables. Encore un FPS, le Star Wars Knight... l'RPG Knight of the Old Republic de BioWare. Celui-là, il se tapera une émission sûrement bientôt, donc je vais éviter de le faire. Panzer Dragon, le retour du jeu de la Saturn, mais spécial Xbox, Panzer Dragon Horta. sublime, qui a pas trop vieilli visuellement, non, ça mais va. Qui a des musiques suprêmes, un jeu très spécial, FPS, je sais pas trop pour le S, hein, c'est peut-être pas du shoot, mais Breakdown de Namco Bandai, une sorte d'essai de jeu de combat FPS. Au départ, c'est un mec militarisé à mort, et il se retrouve avec des super pouvoirs, donc les armes, on les utilise presque pas. Mais il va taper les mecs avec les poings, avec ses pouvoirs. C'est assez space, mais j'ai un très bon souvenir comme ça. Mm-hmm. J'avoue que je pourrais pas trop en parler, faudrait que je le refasse, pour peut-être en parler un jour. Mais voilà, c'est vraiment une expérience assez inédite, faut le faire. Après, on va parler de la Wii. La Wii où j'ai joué à Zelda Twilight Princess, à Zelda Skyward Sword, un très très grand Zelda. Ça me fait penser que sur la GameCube, j'ai oublié une Wind Waker, mais j'en reparlerai un de ces quatre de toute façon. Après, sur la Wii, toujours le Mario Galaxy, le 1 et le 2, le Zack et Wiki. Le Zack et Wiki, c'est un jeu point and click de Capcom à faire absolument essayer de voir des vidéos. Il était très joli et c'était un jeu super original pour la Wii à faire absolument si vous avez encore une Wii, que vous l'avez pas balancé dans la poubelle. Le FPS Red Steel à l'ambiance Yakuza, le jeu produit par Sega, Mad World, un jeu d'arcade, beat's em all, où on tape tout ce qui bouge, dont l'originalité, à part sa violence, c'était d'être en noir et blanc complètement. C'était visuellement exceptionnel. Ah ouais, pour la Wii, il y avait celui-là qui était vraiment très très bon. Le Metroid Another M qui était fait par Ninja, pas théorie, merde. Style? Non, je sais plus. Bah c'est pas grave, c'était une équipe de Ninja qui était assez connue, mais je l'ai oublié. Et le Xenoblade Chronicles, RPG de Monolith Software. Après, on va pas tarder à arrêter, puisqu'on va se rapproche dangereusement des consoles actuelles. Et donc, comme les consoles actuelles, je risque d'en parler très souvent, on va garder ça pour plus tard. On passe à la PS3, connue pour le Uncharted, le 1, le 2, le 3, le Last of Us, les jeux de Naughty Dog, les très très très bons FPS Killzone, le 2 et le 3, que oui. J'adore à cause de l'ambiance militarisée, enfin, pas militarisée, c'est pas le bon terme de guerre, c'est vraiment une ambiance pas drôle, c'est une ambiance... merde quoi, c'est réussi. C'est vraiment un jeu de guerre vraiment très très bon, faites-les même, il y a les deux. Les Ratchet & Clank, qui en a eu 3-4 dessus, c'est super cool, j'aime bien les jeux de plateforme action. De ce genre-là. Le God of War 3 qui a une réalisation des plus incroyables. Et le jeu Flowers. Flowers, pour les... Si vous connaissez plein de gens qui sont vraiment anti-jeux vidéo, qui disent que jeux vidéo c'est pas original, que tout se ressemble, foutez-leur Flowers dans la tronche. Si vous ne l'avez jamais vu, jamais fait, tentez l'expérience, je vous en reparlerai plus tard. Ce jeu-là est très très intéressant, voire peut-être plus important qu'on ne le croit. Et on va finir mon petit tour. Ah non, il y a la Wii U. J'allais oublier la Wii U après la 360. On se demande pas pourquoi. Donc on part sur 360, la Xbox, que j'avais acheté exprès pour deux jeux que j'avais vus dans des magazines. Le Lost Planet et le Dead Rising, tous deux des jeux produits par Capcom. Je ferai des émissions spéciales dessus, donc ça ne sert à rien d'en parler trop de ces deux-là. Dead Space, la trilogie du jeu d'horreur spatial à faire, c'est génial, une ambiance suprême. Le Star Wars, le pouvoir de la force, les Gears of War. Forcément. Je pense qu'avec mon ami, qui est à côté de moi, Ryodoka, on fera une émission spéciale tous les deux. Ça durera 3-4 heures, attention. Au moins 3-4 heures. On va essayer de concentrer. Les Halo 3, le 4, le Reach et le Halo ODST. Alors là, je vous dis tout de suite d'aller sur YouTube ou n'importe quelle plateforme pour la musique. Tentez de trouver les musiques de Halo ODST qui se trouvait être le Halo avec des musiques les plus différentes. Très blues, très jazzy. Franchement, je les trouve génialissimes. Tout à fait. Il y a eu les FPS, ou plutôt FPA, les First Person Adventure Bioshock, jeu d'horreur en plus. En fait, sincèrement, si vous ne les avez pas encore fait, c'est très très très très bon. Le très méconnu, mais très adoré pour moi, Dark Sector, un jeu qui se voulait reprendre l'idée de, et l'ambiance d'un Resident Evil 4. Soyez curieux, allez chercher, je vous en parlerai une autre fois. Il y a eu les Castle Crusher, l'incroyable jeu d'action Vanquish de Platinum Games, les Mass Effect, la trilogie, les Splinter Cell sortis dessus à l'époque, comme sur, bien sûr, c'était sorti aussi sur PS3 et sur PC. Il y a eu le Splinter Cell Double Agent, le Conviction et le Blacklist. J'adore cette série de jeux d'infiltration. Les Resident Evil 4, enfin le 5 et le 6, mais là c'est pas en bien que j'en parlerai, mais je suis obligé de les citer, je trouve. Bien sûr, le démarrage à cette époque sur PS3, sur PC, ainsi que sur Xbox 360, des Assassin's Creed. Le 1, le 2, le 3, le 4, le Brotherhood, le Révélation. J'en ai oublié au moins un autre. Le Rogue. Le Rogue, exact. Bah, c'était le dernier, si je comprends. C'est celui qui est sorti en même temps que Unity, qui lui était sorti sur... One. On fera sûrement une émission spéciale Assassin's Creed, toi et moi. Oui, c'est prévu déjà de base. Et pour finir, le Dark Souls et les Batman Arkham de Rocksteady, que je trouve très très important. Et on finira, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par la Wii U, console préférée de Nintendo. qui quand même, je l'ai oublié tout à l'heure, c'est vrai, mais je trouve que c'était une très bonne console, elle en avait dans le bide. S'ils sont plantés, c'est un peu de la faute à Nintendo avec une mauvaise communication. Dommage, franchement dommage. Mais dessus, il y avait vraiment le Zombie U qui est ressorti sur les autres consoles, mais enfin, ça trouve son intérêt que sur cette machine-là. Le Mario Kart 8, le Zelda Hyrule Warrior, le très bon jeu, le Smash Bros qui est très très bien, mais qui n'a pas de mode histoire, ce qui est vraiment dommage. Et bien sûr, le Zelda Breath of Fire, le dernier Zelda de console de salon, dont je reparlerai en faisant des émissions spéciales aussi, exprès pour la Switch, parce que je pense que je ferai une émission sur la Switch très très rapidement. Donc voilà pour mon petit tour de terrain des consoles déjà sorties. Bien sûr, je fais la PS4, la Xbox One, et la Nintendo Switch, je parlerai très rapidement d'elle dans d'autres émissions. Vite fait comme ça, j'ai adoré pour la PS4 le Bloodborne, le Killzone, le Ratchet & Clank, la Xbox One, j'ai adoré faire le Rise Son of Rome, j'ai eu du mal, excusez-moi. le Gears of War 4, le Halo 5, après plein d'autres jeux qui sont multiplateformes. Pour la Wii U, j'ai adoré les Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, le Octopath Traveler, le Hollow Knight, le Arms of Fire Emblem Warriors, le Dragon Quest Builder, le Xenoblade Chronicle, ainsi que bien sûr le Zelda Breath of the Wild. Putain, j'ai envie de dire Breath of Fire à chaque fois à cause d'un jeu de Capcom, pardon. Donc, vous entendrez parler de tout ça plus en détail, bien sûr, dans les futures émissions que je ferai. Et bien voilà, ouais. Donc du coup, bah, je te remercie pour ce petit tour. Là, vous avez pu donc voir son parcours vidéoludique. On va se faire une toute petite pause avec la reprise du thème Skyward Sword pour le jeu Smash Bros. Pour la Wii U, Ballad of the Godness, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et voilà, comme vous avez vu, hein, la pause était très courte. 1 minute 30 seulement. Mais bref. Et du coup, on va parler un petit peu des jeux vidéo. Quels sont les, on va dire, peut-être moi même, hein, c'est pas obligé 5, mais les 5 jeux, disons, qui t'ont vraiment le plus touché. Tu veux parler du, qui m'ont appris à bien jouer, je dirais? Je sais pas, moi, qui t'ont touché le plus au final. Ok, ben, on va faire ça. Je vais certainement parler d'Alex Kidd, hein, donc on avait commencé à en parler toi et moi. Mm-hmm. C'est quand même le jeu qui m'a fait rentrer dans ce monde-là, dans ce monde beau et magnifique de loisirs. mais d'une façon assez brutale quand même, c'est un jeu très très dur. Plateforme, mais très très dur. On voit la difficulté qui t'arrive en pleine gueule dès que tu arrives au milieu du premier niveau. Le premier niveau, c'était de la plateforme en scrolling vertical, donc il fallait descendre et arriver tantôt en bas, on arrivait dans de l'eau. Voilà. Sauf que par rapport à un Mario qui coule, monsieur Alex Kidd, lui, il coulait pas. Il remontait automatiquement parce qu'il avait de l'air dans les fesses. Donc c'était pas pratique. Il fallait tout le temps appuyer vers le bas pour rester dans l'eau. Et ça augmentait, mais carrément, la difficulté. Donc on peut le dire, ça nous mettait dans le bain très rapidement. Oui. Ah, pour voilà, combattre les monstres, etc., c'était pas facile. On avait tout le temps joué avec les boutons et c'était pas évident. Après, il y avait des passages où on se retrouvait dans un scrolling, ce coup-ci horizontal. On allait sur une moto, la moto, elle allait trop vite. Il fallait sauter par-dessus. Alors, on pouvait rouler sur les ennemis, sauf qu'il y avait des petits ronds qui servaient un peu de plateforme. Si on se plantait dedans, la moto était détruite, donc il fallait se taper tout le chemin à pied, et je vous dis tout de suite, la moto n'était pas là pour rien. Donc c'était bien gonflant, comme premier jeu, comme première expérience de jeu vidéo. C'était, ouais, c'était, ah, c'était pas drôle en fait. Mais bon, voilà. Et surtout, il y a un truc qui peut marquer plein de gens. Dans ce jeu-là, ce sont les boss. Les boss, on est tous habitués à ce genre de trucs. Ce sont des mecs un peu plus grands que la moyenne, un peu plus rapides, qui viennent nous fracasser la tronche avec une force absolue, et ben pas là. Non, là c'était boss, du junk and pawn. Il fallait faire ça, il fallait faire du feuille, pierre, ciseaux pour battre les boss. Bon, après, t'avais certains boss qu'il fallait combattre d'une manière ou d'une autre, genre je pense au taureau qu'on doit avoir au deuxième niveau, je crois, où en fait, il fallait taper au poing sur sa tête, il fonçait dessus. Si tu achetais l'item au tout début avec le A où tu balançais la boule devant toi et qu'il y avait plein de mini Alex Kidd qui fonçaient sur le taureau. Ah, complet. Oh, tu t'en souviens et tu t'en rappelles mieux que moi, hein. Parce que c'est vrai qu'il y avait des mini boss. Moi je parle automatiquement des gros boss. Je pense que c'est les gros boss fin de zone, je pense, voilà. Quoi. Non, je les avais zappés. Merci. Tiens. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait des boss. Moi, je crois que le pire souvenir que j'ai de Alex Kidd, hein, clairement, hein, c'est la forêt. Quand on arrivait à la forêt avec tous ces trucs et tout, il y avait des pics de partout. Fallait jamais rater un seul saut. Et tu pouvais le faire avec la moto. Et j'ai réussi qu'une seule fois à le faire avec la moto. Ah là, élevé à la dure. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et au final, j'ai compris qu'il fallait acheter la canne. Et la canne te permettait de voler. De voler. Et ouais. Et là, du coup, tu pouvais finir le jeu. Enfin, c'est surtout, il y avait une zone en fait qui était très difficile à passer. Et dans la forêt. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il fallait utiliser la canne. Et il fallait surtout pas prendre la moto. Ah, quelle stupidité. Le véhicule, c'est dangereux. Le véhicule, c'est dangereux, voilà. Mais heureusement, à côté, tu vois, bah, justement, je vais parler d'un autre jeu qui m'a appris à jouer. C'est Wonder Boy 3. Vu que je les avais eu tous les deux en même temps, je pouvais faire des petites pauses avec Wonder Boy 3 à côté, qui était nettement plus facile, même s'il avait sa difficulté à lui. Donc Wonder Boy 3, c'est vous jouez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous jouez un chevalier qui va rapidement se retrouver avec une malédiction sur le dos qui va le transformer en dragon. Et pour essayer de faire partir cette malédiction, il doit aller combattre des boss qui sont des dragons, pour redevenir normal. Mais à chaque boss, en fait, il va se rattraper une nouvelle malédiction, c'est-à-dire que de dragon, il va passer en souris, de souris, il va passer en piranha, de piranha en lion, et finira par un faucon, je crois. Soit c'est un aigle, soit un faucon. Comme transformation. Donc il faut traverser C'est une sorte de monde ouvert, mais en scrolling horizontal. Donc c'est un jeu de plateforme aventure. Mais on peut passer les portes et partir dans des mondes sans être bien préparé en fait. Des fois, on a la surprise de se retrouver dans un monde de lave. Et bah si tu tombes dans la lave, tu crames. Mais si t'as été bien préparé, tu vas te retrouver avec une armure qui te permet de traverser cette lave. C'est pour une première approche, c'était assez surprenant pour moi. C'était vraiment vraiment magique quoi. Faut bien comprendre que c'est mon premier jeu d'aventure. J'étais heureux. Heureux de découvrir ce truc-là. Franchement, ça donne envie d'avancer plus qu'Alex Kidd avec sa difficulté à la con. Celui-là, il me donnait envie d'aller plus loin. Bah, c'est le premier des deux que j'ai fini. Et dans ce jeu-là, il y avait aussi la musique que je trouvais vraiment super boostante. Ça te donne envie d'avancer, envie d'aller plus loin, ça aussi. C'était vraiment super chouette. Il y a eu un remake hein, de ce jeu-là. Il y a sorti sur absolument tout ce qui peut avoir un jeu vidéo. Et franchement, plutôt bien réussi. Vraiment. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment énorme. On peut jouer avec la version donc remaster, enfin refaite du jeu, mais aussi avec la version ancienne. Faite avec la version refaite, hein, sans déconner quoi. Elle est nettement supérieure. C'est un véritable dessin animé. Le musicien. Alors déjà, c'est un jeu français sur le coup. Y a pas de quoi. C'est pas parce que c'est français que j'en parle, mais c'est assez rare quand même. Une reprise d'un jeu japonais par des Français. La musique qui est tout le temps la même. Tous les niveaux, bah en France, le musicien s'en est occupé et a redonné un petit coup de boost à tout ça, parce que dès que tu changes de pays, t'as une variation de la musique à chaque fois. C'est magnifique, c'est génial. C'est un jeu de cœur, quoi. Il m'a vraiment, vraiment aidé à aimer le jeu vidéo. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Attends, justement, je suis en train de... J'en ai d'autres, t'inquiète pas. Bah, là, j'étais en train de chercher parce que là, je suis toujours sur un Master System. Sur Mega Drive, bah, je veux dire que, bah oui, les Street of Rage, les jeux de baston, les beats et molles, donc on avance et on tape sur plein de mecs en même temps. J'ai un très très très très bon souvenir. Le premier, comme je disais, c'était à cause des musiques. Mm-hmm. L'auteur des musiques est assez connu sur le coup, j'ai plus son nom. Mais voilà, elle fout de la patate, ça met l'ambiance dans le jeu, c'est génial. Mais j'ai surtout un très bon souvenir de ces deux jeux-là, parce que il y en a eu trois, mais le troisième, bon, je l'ai moins en estime. Oui, bien sûr. Parce que, j'y jouais avec mon frangin, mon grand frère, et, on a passé des heures et des heures, quoi. Ça sert à rien. Le jeu, normalement, il fait, 3 heures. Faut bien le remettre dans le contexte avec la Mega Drive, la manette de Mega Drive, qui est quand même vachement moyenne, surtout au niveau du joypad, donc de la croix directionnelle, donc c'était assez dur d'avancer avec ça, donc c'était très long à cause de la jouabilité de l'époque. Mais putain, qu'est-ce qu'on y a joué, quoi. On a dû passer 100 heures sur la Beat'em Up. c'est très très bon souvenir, mais ouais, c'est pas avec ça que tu vas devenir un super joueur en quoi que ce soit, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de péter la gueule aux gens. La déchéance humaine dans toute sa grandeur. Ah non, je t'ai pas une vraie personne, je ne suis pas quelqu'un de violent sur le coup. Voilà. Vaut mieux faire ça, tu sors ce jeu-là, plutôt que casser la gueule à ton boss. C'est très très bien. Dans les jeux plus récents, il n'y en a pas qui t'ont peut-être plus touché? Vraiment récent, tu veux des trucs très très récents, ça va être très vite. Non, parce pas que forcément j'ai... super récent, mais... Bien sûr, je peux aller plus loin, il y a eu les Gears of War. Évidemment, sur la 360. Qui m'ont impressionné. Ça va peut-être. Je pense qu'ils sont assez connus pour les joueurs, ceux qui s'intéressent vraiment aux jeux vidéo. Mais ils vont peut-être être étonnés parce que je vais dire, c'est que je les aime à cause de l'histoire. Mm-hmm. Je sais que c'est un jeu d'action vraiment assez bourrin. Mais le scénario est quand même relativement bien travaillé. Voilà. Il y a quand même pas mal de rebondissements tout au long de l'aventure. Et je dis pas ça non plus parce que je suis un fan des jeux, hein. Mais bizarrement, par exemple, le jugement, j'ai trouvé l'histoire beaucoup moins intéressante et du coup, je l'ai moins appréciée. Enfin, le jugement, déjà, je pense que c'est une sorte de hors-série parce qu'ils avaient fait les Gears of War, techniquement, c'est une trilogie. Franchement, t'as le 1, le 2, le 3, c'est la même histoire. Le jugement, c'était un jeu à côté. Franchement, on s'en fout complètement. C'est pas de celui-là que je parle, je vais être franc. Tu vois, je pense qu'on l'oubliera. Alors que le 1, 2, 3, il y avait vraiment des personnages charismatiques. Oui. Des personnages avec des sentiments, il y avait beaucoup d'humour, alors que ce jeu, je trouve qu'il représente bien, bien la guerre. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas amusant du tout. Il y a des moments où je jouais ça avec, avec une amie de Topi Lili, elle a chialé pendant le 2. Le 2, c'est son préféré, alors qu'elle arrêtait, elle arrête pas de pleurer. Il y a des moments vraiment intenses. Au niveau de l'histoire. Quand l'homme retrouve sa femme, notamment, catastrophique. C'est voilà. J'en parlerai pas maintenant parce que comme je disais, on va mais le garder. Mais voilà, moi mon personnage préféré personnellement, c'était Tai et on le voit quand on le voit dans le 2. Au début, on voit le mec comme hyper badass qui est tellement habitué à perdre ses hommes dans la bataille que bon bah quand on le voit dit désolé pour tes hommes que veux-tu, c'est la vie, il passe à autre chose direct. Et quand on voit cet homme complètement détruit dans le jeu, ça te fait un choc. Ça montre à quel point c'est dur. Et je trouve que justement, il y a d'autres jeux qui ont servi à ça, mais je trouve qu'il montre l'évolution du jeu vidéo. C'est que avant, on n'avait pas le temps de te raconter une histoire. Franchement, on va partir depuis la NES jusqu'à. Oui, ouais, la fille est en danger, va la sauver. Voilà, bim, terminé. Ouais, voilà, fin du rire. Même jusqu'à la Xbox, la première avec la PS2, ça commençait à étoffer les histoires. Mais sincèrement, ça a vraiment explosé avec la PS3 360. Bien sûr, le PC, je l'oublie jamais, je le cite pas, hein, mais il est vraiment, enfin, il existe. Je fais pas semblant non plus. Mais au niveau des jeux vidéo, je trouve que Gears of War m'a vraiment marqué à cause de ça, de l'évolution du temps qu'ils ont pris pour raconter une histoire, alors que techniquement, c'est un jeu, tu fonces, tu te planques quelques fois et tu tires. Basiquement, mais je dis bien basiquement, le jeu est plus que ça à mes yeux. Mais ça marque vraiment, ça m'a vraiment marqué au niveau de l'évolution du jeu vidéo, alors que c'est même pas un RPG, voilà. C'est vrai qu'il y a eu des RPG qui s'arrêtaient un petit peu plus sur l'histoire, mais là c'est pas le cas, et pourtant il y a vraiment un truc derrière. C'est pour ça que oui, ce jeu-là m'a vraiment marqué. Eh bien, écoute, je sais pas si pour toi c'est bon ou pas. Je pourrais en parler d'autres, hein, mais... C'est vrai que j'ai peut-être me les garder sous la pédale pour plus tard. D'accord. Oui, je pense que je vais faire ça, tu vois. Qu'est-ce que tu vas nous préparer pour ta prochaine émission ? Alors, la prochaine émission, normalement, c'est avec toi que je vais la faire, vu qu'on va parler de ton parcours vidéoludique. Voilà. C'est moi qui m'occuperai de la présentation. Après, on fera ça avec un autre collègue, si je me souviens bien. Il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui fait du jeu vidéo aussi. Hein. Yota, je pense, oui. Yota. Le pauvre Yota passera sous ton crible. Bah, je vais être soft, vu que je le connais pas assez, je vais être super sympa. Et après, ben, je vais me retrouver normalement en roue libre. Donc la première émission, ce sera certainement, ben, normalement, oui, je vais parler du jeu vidéo, de ma vision du jeu vidéo. Donc ce sera vraiment que ça la première. J'essaierai de pas trop vous emmerder, je vais pas faire dans l'intello non plus, très loin de là, même. Pour vous montrer, je trouve que c'est important que je me fasse connaître des gens pour qu'ils voient à peu près mes goûts et mes idées dans le jeu vidéo, comme ça ils arrivent à prendre la part pour voir ce qu'ils peuvent penser de telle ou telle critique, voir si ça les intéresse parce que c'est moi qui l'a fait. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie pour toutes ces révélations. Hein. Mais de rien. Je te passe maintenant, alors pas le flambeau, mais la manette, hein, en tant que gamer. On va se quitter du coup et ce sera Daisuke qui vous présentera les prochaines émissions et on va se quitter sur un morceau qu'il a choisi, hein, du jeu vidéo Halo 2, le Mjolnir Mix, hein, et on se dit à une prochaine émission. Matane. Allez, bye bye.